Chapitre 42e. Par où s'en va l'argent? Paulin Broquet ne répondit rien au compliment sincère de son fidèle lieutenant. « Maintenant, dit-il, nous savons tout. La pierre qu'ils peuvent déplacer est là, derrière ces tonneaux. » Comme il parlait encore, comme il s'avançait avec Gabriel pour tâcher de voir cette pierre, un bruit singulier arriva jusqu'à eux. C'était une sorte de grattage, dehors comme si on travaillait la muraille. Promptement, Paulin Broquet retourna le tonneau, le remit dans sa position première. Puis, avec Gabriel, il s'éloigna et alla se cacher derrière les tonneaux, des planques, des matériaux quelconques, dont les câbles les mieux tenus ont toujours un coin encombré. De là, il pouvait voir. Ce qu'il vit ne fit que confirmer ce qu'il avait supposé. Dans le mur, une pierre fut descellée qui laissa apparaître un trou noir carré, n'ayant cependant pas assez de largeur pour qu'un homme pût passer. Une tête se montra. Un homme regarda dans la cave, étudia les êtres, écouta. Puis cet homme fit entendre un sifflement léger d'une modulation spéciale. Un appel, évidemment. Donc cet homme attendait un complice, un aide. Il comptait le trouver là, déjà. Au sifflement, bien entendu, rien ne répondit. Après un court moment de silence, l'homme retira sa tête et Paulin Broquet put l'entendre qui disait aux autres dans le couloir « Ils ne sont pas encore là. » « Bon, » firent les compagnons, « préparons les tonneaux. » Et dans le trou par la muraille, l'homme passa à demi le corps et commença, avec une clé anglaise, à dévisser les cercles. C'était bien la manœuvre que Paulin Broquet avait prévue. Que devait faire Paulin Broquet maintenant? Se montrer? Essayer de prendre cet homme, engager ici, entre cette cave et ce couloir, une bataille, faire parler le revolver? Non, pense avec raison le détective, inutile. Nous ne pouvons les prendre ainsi. D'ailleurs, maintenant nous les tenons. Ils ne s'en iront pas. Ils n'abandonneront pas le couloir tant qu'ils n'auront pas enlevé le million. Le mieux est de tout faire pour empêcher le million de sortir d'ici, et de prendre ensuite les voleurs en les cernant par le poste et par l'hôtel du gouverneur. L'endroit où il avait, avec Gabriel, trouvé abri fort heureusement, se trouvait près d'une porte. Doucement, avec souplesse, il sortit par cette porte, suivi de Gabriel. Il gagna le couloir des caves et peu après il remontait. Personne n'avait remarqué qu'il avait mis grand temps à mesurer le charbon et les provisions de bois. Paulin Broquet sortira en tant que marchand de combustible. Mais peu après, il cernait avec ses hommes l'hôtel du gouverneur de la banque et le poste militaire. Personne maintenant ne pouvait sortir sans tomber dans la filière, sans être arrêté. Paulin Broquet alla rendre compte de tout cela au chef de la sûreté, au préfet de police, afin de prendre avec eux les mesures nécessaires pour cette arrestation sensationnelle. Pendant qu'il était encore à la sûreté, son lieutenant, l'amorce, lui fit venir un avis urgent. « Il vient de se produire, lui disait son lieutenant, un fait qui m'inquiète, et dont je dois vous faire part sans plus tarder. Un des soldats du génie qui travaille dans le poste s'est, on ne sait trop comment, fortement blessé. Ses camarades viennent de téléphoner à la caserne pour demander qu'on envoie une voiture du service de santé militaire. Je crois ne pas trop m'avancer en disant que c'est un nouveau stratagème de la bande, pour emporter sur le brancard et dans la voiture d'ambulance, non le blessé, mais une partie des sacs d'or. » Cela ne fit aucun doute. Paulin Broquet fut de l'avis de son second. Le préfet de police, M. Laronce, voulut téléphoner à la place pour qu'on demandât au génie si réellement l'administration militaire faisait entreprendre des travaux au poste de la rue de la Vrillière. Et la place répondit au préfet de police qu'on allait voir cela, qu'on lui rendrait réponse dans la soirée, demain, au plus tard. « Nous ne pouvons attendre jusque-là, » fit Paulin Broquet. « Agissons tout de suite. »« Comment ? C'est difficile, monsieur le préfet, et en même temps très simple. » « Expliquez-vous. Difficile, parce que nous avons affaire à des gens qui portent le costume militaire, et qu'ils m'ont arrivé avec une voiture des ambulances de l'armée, scrupuleusement exacte, vraie peut-être. L'administration civile ne peut intervenir, et les hommes du génie, le major militaire, les infirmiers de l'ambulance, refuseront de nous obéir, causeront du scandale, nous feront manquer l'affaire. C'est plus que probable. D'autant que ces hommes n'auront de militaire que l'uniforme, et que pour toute discipline, pour toute autorité, ils ne reconnaissent, n'admettent que ce qu'ils reçoivent de leur chef, Zigomar. Alors, vous avez le droit, monsieur le préfet, de réquisitionner la garde républicaine, qui, tout en étant militaire, doit être au service de l'autorité civile. En effet, eh bien, veuillez réquisitionner un peloton de garde républicains. Cela est très facile et promptement fait. La caserne de la cité, sur un coup de téléphone venant de vous, peut envoyer tout de suite les hommes nécessaires. Qu'auront-ils à faire? Ils devront se tenir prêts. Et quand la voiture des ambulances sera signalée par mes hommes, ce peloton se dirigera vers le poste de la rue de la Vrillière. Personne ne pourra soupçonner leur but. Même les aides, qui sont à l'affût, aux aguets, ne pourront prendre ombrage de la venue de ce peloton de gardes républicains. Les gardes arriveront devant le poste quand l'ambulance y sera. Mes hommes s'arrangeront pour ne pas laisser partir la voiture avant leur venue. Puis, quand la voiture se mettra en marche, les gardes survenant l'escorteront, ordonneront au conducteur de prendre la direction de la cité et par force, cela sera nécessaire, obligeront les ambulanciers à obéir. Les gardes conduiront la voiture à la caserne et nous irons prendre ensuite des nouvelles du singulier blessé qu'elle transporte. Le préfet de police et M. Ramard, chef de la sûreté, se mirent à rire de cette idée. Aussitôt, M. Laronce téléphona à la caserne, d'où on lui annonça qu'on lui formait le peloton demandé, comme il était de règle à toute réquisition du préfet de police, et qu'on se tenait prêt à marcher suivant ses indications. « Bien, » dit Paulin Broquet. « Pendant ce temps, moi, je m'occuperai de la cave du gouverneur de la Banque de France. » Peu après, il revenait rue de la Vrillière, et il devait aussitôt faire téléphoner au préfet de police d'envoyer le peloton de gardes républicains. La voiture des ambulances militaires venait en effet d'être signalée. Presque au même moment, par la rue Croix des Petits Champs arrivait, au trot de deux énormes et superbes chevaux, une voiture de brasseur portant des tonneaux de pierre. On ouvrit pour le brasseur la grande porte de l'hôtel du gouverneur qui donne sur la rue de la Vrillière, à quelques pas du poste militaire. Sur la voiture se trouvaient, outre le cocher, deux gaillards taillés en Hercule pour qui le maniement des tonneaux devait être en jeu. Zigomar avait bien choisi ses hommes. Ces trois gaillards-là devaient pouvoir remonter en un clin d'œil et sans effort apparent les tonneaux pleins d'or comme s'ils avaient été vides. Le concierge laissa donc pénétrer dans la cour de l'hôtel du gouverneur la voiture du brasseur. Tout cela, naturellement, après la production de pièces justifiant l'envoi, la livraison. Paulin Broquet, d'ailleurs, avait déjà la certitude que Zigomar ne comptait pas de complices dans le personnel de l'hôtel du gouverneur. Pas plus que dans le personnel de la banque même. Tout le monde était de bonne foi et agissait loyalement. Mais Zigomar avait admirablement préparé son coup, qui, au demeurant, en valait la peine. Une première fois, il avait réussi. Pourquoi n'en serait-il pas de même aujourd'hui? Certes, Zigomar savait que Paulin Broquet avait assisté à la visite officielle des caves, à la vérification réglementaire des caisses d'or. Mais il avait dû bien rire quand il avait lu la note officielle annonçant que tout était en parfait état dans les caves. Si ces hommes avaient, dans leur surveillance, surpris, reconnu des hommes de la brigade de Paulin Broquet, ils n'en avaient pas vu assez pour concevoir quelque inquiétude. Paulin Broquet avait, de son côté, admirablement organisé la souricière. C'était le succès de la lutte au plus fort. Renard, renard et demi. La voiture de brasseur entra dans la cour de l'hôtel. Les hommes se mirent en mesure de décharger leurs tonneaux. Pour descendre les tonneaux, le charbon ou le bois dans la cave, on se servait d'un soupirail, d'une grille qui se trouvait à droite de l'escalier d'honneur. La grille enlevée, avec des cordes, il était facile de descendre des tonneaux dans la cave et de remonter par le même chemin les tonneaux vides.